Join me on RIG. R-I-G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexno. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Je suis Thierry Gallet. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et c'est la 333e 333 saga des Fab Four. Au programme, c'est une très bonne idée. Nous allons fêter avec un petit mois d'avance. Oui, un bon mois d'avance même. Les 50 ans de la saga. Coupé, on l'a refait. Les 50 ans de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Ah, j'allais pas faire la saga à 3 ans, à 4 ans même. Non, 3 ans, en 67 j'avais 3 ans. Non, faut pas exagérer quand même. J'aime la radio, mais pas à ce point-là. Bref, donc je vais essayer de reprendre le fil de conducteur de l'émission. L'album de la semaine, c'est Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, mais la version, celle de 2009, quoi, la version remasterisée, parce que je n'ai pas encore les 6 disques que je vais acheter de toute façon dès le mois prochain, ça va être obligatoire. Mais dès que je l'aurai, d'ailleurs, je vous en proposerai. Mais bon, bref, voilà. Et puis, bah, c'était tellement une bonne idée qu'on va rester autour de ces années-là, parce qu'il y aura un petit peu de l'album Magical Mystery Tour, il y aura un petit peu de l'album Yellow Submarine, la bande originale du film. Et puis voilà, un ou deux trucs comme ça, ça risque d'être plutôt sympa, d'accord? Bon, je savais que vous seriez d'accord. Alors, si on commençait cette saga des Fab Four, tout de suite. Ah oui, parce que il faut des invités de marque. Ah oui, alors attendez, avant des invités de marque, rejoignez-nous sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur Facebook, sur macaclub.com, dans le groupe, enfin dans la case La Saga des Fab Four, et sur Twitter, avec le hashtag SagaFabFour. J'ai essayé de faire un hashtag plus petit, genre LSDFF. Ça existe déjà. Oh mince. Alors j'ai voulu faire SDFF. Ça existe déjà. Alors on reste avec le SagaFabFour. Voilà, c'est comme ça. Puis moi qui voulais couper, ben c'est raté, puisque le générique se termine. Bon, alors bonne soirée à vous toutes et tous. On se retrouve sur Facebook, hein, principalement, pour commenter. Et mes deux invités sont des invités de prestige. Allez, c'est parti. At the time, there were lots of those sort of bands that were, you know, Laughing Joe and his Medicine Band. À l'époque, il y avait des tas de Wham, bam, bam, groupes avec des noms bizarres. Colonel Tucker's, Medicinal Brew and Compound. So I just thought, oh well, you know, if there was a band, alors, what would be a mad name for it? Si on cherchait un nom de, donc quel nom débile on pourrait trouver? Paul's idea to call Pepper. He came in. Basically, c'est l'idée de Paul. You know, he had this song. Il avait une chanson, Sgt Pepper. And he was kind of identifying it with the band. The Beatles. Et quelque part, il a voulu l'identifier que les Beatles. I think we recorded the song first, and then the idea came. Je pense qu'on a d'abord enregistré la chanson et l'idée est venue. I had an idea which I put to the guys, and I said, look, you know, we're getting a little bit fed up. J'ai eu une idée que j'ai dit aux gars. J'ai dit, regardez, might be a good release for us all. Ce pourrait être un truc sympa si on prétendait être un autre orchestre. And we can do it, but I'd thought of this name, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. And I said, maybe if we call ourselves that and think of ourselves as that, when si John goes to do a vocal, instead of thinking, you know, is it John Lennon vocal? Pensez différemment. Quand John ferait un chœur, ça serait pas le chœur de John, ce serait le chœur de quelqu'un d'autre. Oh yeah. It just took ça nous rend a plus libre. You took a pressure off your head, you know. Ça t'enlève la pression. It was definitely an album of the times, you know. C'était un album dans l'air du temps. Well, it's 25 years now since it was issued, and there aren't many records which really last in the memory for a quarter of a century. Au moment où Georges parle, ça faisait 25 ans, et non pas 50 comme maintenant. Il dit peu d'albums restent dans les mémoires pendant 25 ans. It was going to be boring to just make another Beatles album, and we'd stop touring. Ça allait être chiant, ennuyeux de faire juste un autre album des Beatles. Et donc, on avait l'opportunité de faire quelque chose, de faire n'importe quoi, de faire quelque chose de complètement différent. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It was all very Uncle Joe's Medicine Show with Dancing Bears and Elixir of Life. You know those kind of. Jokey titles. Then everything about the album we imagine from the perspective of these people. So it doesn't have to be us. It doesn't have to be the kind of song you want to write. Ça n'était pas obligé d'être nous. Ça n'était pas obligé d'être le genre de chanson qu'on avait l'habitude d'écrire. Really, a good old-fashioned rocker starts off with applause, or rather, atmosphere noise from a recording I made up in Cambridge with Beyond the Fringe crowd, Dudley Moore and Company, and this. Super electric guitar and tied together beautifully by a great rock voice from Paul. Listen to this. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in the knowledge of style. But the guy did the rain smile. We've got sawdust in his voice there. And then a bit of classical work, bringing in four French horns. Always there's the audience punctuating the whole thing. And then the chorus, singing the chorus. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. And together with the audience and the horns, it's an exciting thing saying, come and join our show. Listen to us. We're a great band. Ça, c'est l'explication de George Martin et de Paul. Et voici les deux titres, Sgt. Pepper, enchaîné avec With a Little Help from My Friends, sur RIG. Yeah. sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ce titre, With a Little Help from My Friends, avait été interdit à la BBC. Pourquoi ? C'est Ringo Starr qui l'avait dit dans une émission qui s'appelait Yellow Submarine, que j'avais entendue en France en 1982, et je me souviens encore de ce moment-là. Il avait dit, oui, I get high with a little help from my friends. Je vais très haut avec l'aide de mes amis. Et si ça parlait peut-être de LSD ? Ah oui, oui, il n'y avait pas que la chanson Lucy in the Sky, il y avait aussi cette chanson-là, alors que c'était simplement une petite blouette pour enfants concoctée par Paul McCartney et très bien chantée par Ringo. Et notamment, il a eu peur à la fin, le My Friends, très très haut, je ne vais pas le faire ici. Il n'était pas sûr d'y arriver, mais avec l'aide de ses amis, justement, il a réussi. Lovely Rita, pour Lovely Rita sur RIG. Shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Rita. parlons des Beatles ce soir. Et puisqu'on parle des Beatles, on va parler de Lovely Rita et de son Beatles Magazine. Elle est à Londres et elle dirige le Beatles Magazine, site sur lequel vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les albums qui peuvent sortir, comme notamment les dernières nouvelles sur la sortie de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, dont on parle ce soir. Il y a également les animateurs qui font des émissions sur les Beatles et tout ce qui s'ensuit, comme Michael Honorato, par exemple, aux États-Unis, sur la côte Est, comme Brooke Alpine sur la côte Ouest, comme Kyle au Canada, comme également, je ne sais plus quoi, le gourou des Beatles en Italie, qui commence tout à l'heure, dans 45 minutes, Daniel, il s'appelle, salut à lui. Vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et vous tapez, de toute façon, BeatlesMagazineUK.com pour tout savoir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur John, Paul, Ringo et George. Merci Beatles Magazine, merci Lovely Rita. RIG 90.7, la radio des Beatles. November 1966, a Thursday, the Beatles came into Abbey Road Studios to start the new album. And the track they started with didn't appear on the album. It was a song called Strawberry Fields. La chanson qui a commencé l'enregistrement de Sgt Pepper n'apparaît pas sur l'album. C'est Strawberry Fields. Made virtually a master. And it was the way I heard it originally when John sang it to me. And it was a sweet, gentle, simple song. Starting with the verse, Your Majesty. Misunderstanding all you see. It's getting hard. Il vient de dire que le début de la chanson a commencé comme ça. Ça n'était pas du tout ce qui est le choix final. En 1966, we were just recording in four track. En 1966, il n'enregistrait qu'avec quatre pistes. Still nothing else. Dead simple. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That now is, we I have a slide guitar played by George, added, curious enough, on the Let vocal me track. Take you down, listen. Cause I'm going to Strawberry Just on the vocal fields. Track. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. I think that version is very charming. Strawberry fields forever. A very simple version of a very simple song. But in fact, it never appeared like that, and no one's ever heard that one since. Living is easy.

sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, Nina, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. We left that evening, and John thought about it, and Paul thought about it over the weekend, and on Monday we tackled it again, quite differently. John decided he wanted to learn. He had an introduction for the first time, which was played on that weird instrument, the mellotron, and became a really key feature. And it started with the chorus, rather than the verse. Et démarrer avec le refrain plutôt que les vers. Let me take you down. Double track voice right away. Again, all the rhythm instruments on one track. Voices on three and four. Nothing to get hung about. But John thought about it. Said, I think I can do it better than that. He said, I want to have a bit more bite in it. Brass, string. So I say, okay, let's give it a whirl. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Double track voices on three and four, but with percussion as well on three. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Swar Mandela. An Indian instrument that George had brought back. Like a kind of harp. They have a marvellous effect. Backward cymbal on track one. Always sounds like Russian language to me. Brass stabs and so on, and with the cello. But underlying it all, this wonderful rhythm section. Écoutez la rythmique de Ringo. Nine or ten players. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Well, we finish up then with a track which was showed the way that Pepper was going to be. This was our first psychedelic track. One, two, three. Il a dit que cette chanson montrait comment allait être l'album. C'était la première chanson vraiment psychédélique, selon lui, selon George Martin. Tomorrow Never Knows, c'était pas mal non plus. Thank you. when we did Sergeant Pepper, we were given a license to kill, so to speak, because we were already successful. Quand on a fait Sergeant Pepper, on a eu comme un permis de tuer, en quelque sorte, parce que on était déjà, ils avaient beaucoup de succès, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. In fact, when I say Pepper, I mean I'm starting off with Strawberry Fields, which is the beginning of Pepper. L'avion qu'il ramenait à Londres le 11 avril 1967, après qu'il eut rendu visite à Jeanne Eicher à Denver pour fêter son 21e anniversaire, Paul se mit à travailler sur une idée d'émission télévisée exceptionnelle des Beatles. Le groupe n'avait plus envie de se limiter aux comédies qui avaient fait leur succès au cinéma à leur début. Et Paul était fasciné par l'idée de réaliser lui-même un film. Il travaillait déjà avec une caméra 8 mm et avait composé des bandes-sons électroniques. Encouragé par l'ambiance expérimentale de cette époque, Paul envisagea de réaliser un film sans scénario pour lequel les personnages et les lieux de tournage étaient définis à l'avance, mais où l'histoire et l'action se développaient spontanément devant les caméras. Son idée était de réunir des personnages pittoresques dans un endroit, dans un étrange voyage en autocar à travers la campagne anglaise. Voilà l'idée de départ de le Magical Mystery Tour et ce titre que l'on a entendu qui datait donc de l'année 1967. La suite, c'est maintenant. C'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. Love is Right. That's very good. Thank you, John. That's fine. I think that will do for the vocal backing very nicely. We'll get the musicians in now. And we'll do the last step. Okay. Run back the tape, please, Richard. There's several days' work on that tape. For perhaps the hundredth time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds, and they've just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon and, for the first time, the orchestra. Here, then, is final mixed track, take one, of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. Right, we're ready? Let's go for it then. Stand on musicians, please. Get them on. All right, here we go then. We'll send the tape. You ready, Richard? Just coming. Okay, Jeff? Yep. All right, here we go. Okay, Richard? Here comes the tape. Watch it. Copy from the original backing track. Two, one, two, three.

morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? En 1967, cet album casse la baraque par sa nouveauté, puisque les Beatles ne font plus de tournée depuis août 1966. Ils ont décliné, ils ont dit c'est bon, on ne s'entend plus, on arrête. Ils ne font un nouvel album qui ne ressemble à rien, puisqu'ils ont décidé qu'il s'appelait autrement, il s'appelait les Sgt. Pepper. C'est la première fois qu'il y a les paroles sur le dos de la pochette. C'est la première fois que ça n'est pas une succession de hits. Ça n'est pas voulu comme ça. Ça n'est pas non plus des chansons que l'on peut, à l'époque, avec les moyens de 1967, chanter sur scène. C'est volontaire. Ils s'enferment dans le studio pendant des mois et des mois et des mois. Rappelez-vous que seulement 4 ans auparavant, c'est rien du tout, en 1963, ils avaient fait leur premier album en une seule très longue journée. Là, ils y passent des mois. Et avec quel succès, avec quelle volonté de travailler, ça a dû être un travail colossal pour George Martin d'arriver à comprendre ce qu'il voulait faire, et la patience également de mettre strat sur strat sur strat, seulement avec un 4 pistes, c'est complètement dingue avec le recul. Ce qu'on arrive à faire maintenant, ils sont arrivés à le faire avec des moyens qu'on pourrait qualifier de ridicules, et pourtant c'était les Beatles. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George, avec Thierry Gallet. Oui. 50 ans de Sgt. Pepper dans la saga. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. Lorsqu'on a écouté With a Little Help. I was rather offended when the album came out. People said Lute in the Sky with Diamonds, LSD, you know, which was nonsense. Voilà. The real story about Lucy in the Sky of Diamonds was I showed up at John's house one day. Il s'est pointé à la maison de John. Il y avait Julian qui revenait et il y avait le dessin d'un enfant, en fait, c'est Julian. Donc c'était quelqu'un qui est en train de flotter, etc. John had said, what's it called then? And Julian had said, Lucy in the Sky with Diamonds. C'est Julian qui a dit le titre en disant c'est Lucy dans le ciel avec des diamants. Et donc, je voulais vous en parler, mais je me rappelais plus que c'était eux-mêmes, les Beatles, qui en parlaient. L'anecdote de Lucy in the Sky with Diamonds, c'est ça, c'est un dessin, ça n'a rien à voir avec LSD, c'est un hasard, dirait-on. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. A train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Far as the eye can see. Avec grand plaisir au milieu de ces deux albums, Magical Mystery Tour et Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 333. Deux jours, il me semble, après la sortie de l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, McCartney a eu le bonheur d'être invité à regarder le show de Jimi Hendrix, qui a repris tout de suite Sgt Pepper. Voici la chanson. I think it did represent what the young people were on about, and it seemed to coincide with a revolution in young people's thinking, and it was the kind of, I suppose, the epitome of the swinging 60s. It sort of linked up with Mary Quant and miniskirts and all that kind of thing, and dope to a certain extent, you know, the freedom of sex, the freedom of soft drugs like marijuana and so on. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead. of real fire. In this way, Mr. Gay will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. There's been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Écoute toutes les plages de Sgt Pepper pour fêter les 50 ans de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band aujourd'hui, enfin cette année en 2017, alors qu'il n'avait que 25 ans en 1967. Paul McCartney écrit cette chanson When I'm 64, quand j'aurai 64 ans. Lorsqu'il a eu 64 ans, j'imaginais la tournée Now I'm 64. Il faut pas oublier plutôt que dans la tête de Paul McCartney, il a toujours 15 ans, pas plus. À peine. Give me your answer, fill in a form. I'm forevermore. da da pom pom. RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h. De George Martin sur cette chanson-là, I'm the Walrus. Paul McCartney disait à propos de I'm the Walrus et plus généralement à propos du téléfilm Magical Mystery Tour que, après tout, il n'était pas si mauvais que ça, ce téléfilm, puisque c'est presque l'ancêtre du clip, puisque c'est dans ce film-là que vous voyez le clip I am the Walrus. Et quelque part, Il a raison, Paul McCartney. Il a toujours raison. Bonsoir, c'est Nathalie, ou Macnat de Maca Club. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous présenter une chanson. Dans quelques instants, nous allons écouter The Fool on the Hill, une magnifique ballade composée par Paul McCartney. Cette chanson me rappelle tout simplement mon adolescence. J'ai 14 ans et je suis dans la chambre de mes frères, là où je peux écouter de la musique. Et à l'écoute de la chanson, je danse, je virevolte sur moi-même, les bras écartés, et je me sens bien, et je me sens libre. Et cette chanson, même si je ne comprends pas forcément le sens profond, on va dire, des paroles à cette époque-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. La mélodie me fait du bien et me rend surtout heureuse. Et voilà, et cette chanson me rend heureuse. Et 40 ans après, c'est toujours le cas et c'est tout simplement magique. Merci. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Sur le même album, George Harrison attend des potes. Et c'est dans un endroit où il y a plein de brouillard. Et il trouve que l'attente est interminable. Et il se perd dans ses pensées. Il était sur Blue Jay Way à ce moment-là. C'est toujours les Beatles, forcément, en 1967. Soon they say wants to do it again, George. Okay. With Siggy in mouth. Before your mother was born, though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born, though she was born a long, long time ago. Your mother should know. Your mother should know. Lift up your hearts and sing me a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Da da da da da da da da da da da da. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Cette version n'est pas une version introuvable, elle est sur le Anthology 2 des Beatles sorti en 1996 et elle était suffisamment sympa pour que j'ai envie de vous la proposer ce soir dans ce spécial Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, les 50 ans. L'album sortira le mois prochain vers le 26 mai je crois, si mes souvenirs sont exacts. De toute façon, dès qu'il est dans les bacs, il est dans la saga des Fab Four et on vous en proposera quelques fois, de temps à autre, souvent peut-être, des morceaux rare, c'est normal, c'est ça la saga des Fab Four. We Were Talking, George Harrison et Within You Without You sur RDG. Try yourself, no one else can make you change. And to see you're really only very small, and life flows on within you and without you. Saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. déborde un petit peu du cadre de Sgt Pepper, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. C'est les Beatles, John, Paul, Ringo et George, et c'est sur RIG. All Together Now. Allez, couche. touché au pied. Voilà. I must confess that when we were going through Pepper, people were saying, how's it coming along? They're fine, you know. And I must confess that as we were getting longer and longer into the album, and more avant-garde, I was wondering whether we were being a little bit over the top and a little bit maybe pretentious. Quand on a avancé dans Sgt. Pepper, et que ça durait de plus en plus longtemps, je me suis demandé si on n'allait peut-être pas un peu trop loin. Started to slag us off because we hadn't done anything because it took 5 months to record. And I remember ça a pris 5 mois pour enregistrer ça, et je me rappelle que les Beatles sont secs, ils n'y arrivent plus. I was sort of sitting rubbing my hands saying, you just wait. Eh ben, attendez. Ça dure plus d'une minute, mais si nous voulons aller jusqu'au bout, il faut enchaîner, parce que c'est bientôt la fin. Alternative de The End sur l'anthologie 3. Et puis, quand c'est fini, ça n'est pas fini. On a encore le temps de passer deux chansons que je vous ai réservées. La première n'a aucun rapport avec Sgt Pepper, et encore. Elle a été composée en 1987 par Paul McCartney, qui se rappelait de l'époque où tout s'est passé, du Pepperland et tout ça. Et je vous propose, pour cette fin d'émission, Return to Pepperland sur RIG. Hey. dernière chanson que j'avais prévue. L'autre, celle qu'on m'a demandé, je la passerai dans la prochaine émission. C'est un hommage à George Harrison. Voici While My Guitar Gently Weeps en version longue avec Jeff Lynne, bien sûr, Tom Petty, évidemment, Danny Harrison et Prince. Gently weeps. Gently weeps. c'est ainsi que s'achève la 333e édition de la Saga des Fab Four. Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains et en très bonne compagnie, celle d'Eric. Merci, à très bientôt et dans quelques instants, Johnny de A à Z. Salut, bisous aux filles, particulièrement à toi, bien sûr, à toi. Et à très très bientôt. Salut les hommes, ciao.